Benvinguts i benvingudes. Això és Hola la Música, el programa de música cantada en francès que ens arriba amb aquesta temporada. Programa número 167. Us parla Rafael Corbí. Vam a gaudir de la música durant gairebé aquests 60 minuts, amb poques paraules i molta música. I avui les primeres cançons, les primeres 8, seran de començaments dels anys 80, amb cançons que es portaven en aquell moment a càrrec de gent com Chantal Goya, de Claude Jacquin, de Clovi, de Dance Reaction o de Daniel Licari, entre d'altres, o Caron. I aquests temes que es portaven tant en aquell moment. Era el 1980, amb més cabell molts de nosaltres, o més clars o més foscos, i el seu ska que ens acompanyava. Som-hi, doncs, a gaudir d'aquestes cançons a la primera part del nostre espai Hola la Música. Supermarché favori au rayon légumes adéquats. Je me suis arrêté pour remplir mon caddie et très cool, j'ai dit quelque chose ne va pas. Le préposé rayon boucherie charcuterie, les caissières me pointent du doigt. Raser le caniche à mes mêmes injuries, mais pourquoi se moquent-ils tous de moi? Je continue mon chemin, mine rien, tant pis, section cosmétique tout en bas. Lorsqu'une femme mûre s'avance et me dit: vous habitez chez vos parents? Te souviens-tu mon ange, lorsque tu m'as dit ça, tu riais, complice instantané. À quel moment divin, mais je t'ai prévenu, oula, pas tout, je suis très occupé. Pour ce savant cocktail de chimie organique, merci entre nous, pas de formalité. Actif, passif, pas de contact physique, notre instinct joue garde-fou, anti-préjugé. Ce midi dans mon supermarché favori, au rayon de l'amour immédiat. Je me suis arrêté pour remplir mon caddie, et très cool, j'ai dit quelque chose ne va pas. Canviem de formació amb els propers minuts després d'aquest parell de temes curts, concisos i com es feien alguns d'aquests a principis dels anys 80 amb la música de Xafadà també i aquest segon tema Petit Pupú que ens acompanyarà. Com hem dit, després la música continuarà perquè estem en temps de música a la nostra sintonia. Pour vous, De non-retour, correspondance accablante à deux adolescents. L'amant ce matin-là attendait dans Paris qu'il y ait une overdose pour se payer comptant. Je voudrais pas parler de ça. J'aimerais chanter les fleurs, les petits oiseaux de toutes les couleurs. L'amour entre vos bras. Mais je ne le peux pas, j'ai mal au fond du cœur. J'ai mal au fond du cœur. J'ai mal au fond du cœur. J'ai mal au fond du cœur. Un évêque défroqué jouait au balai rose sur des chairs bizarres tout au fond d'une alcôve. Il confessait en douce des filles baptisées qui croyaient tenir Dieu dans sa virilité. J'aimerais chanter les fleurs, les petits oiseaux de toutes les couleurs. L'amour entre vos bras. Mais je ne le peux pas, j'ai mal au fond du cœur. J'ai mal au fond du cœur. J'ai mal au fond du cœur. J'ai mal au fond du cœur. Mercenaire en chômage dans une crise de cafard. Cherche un pays nouveau pour y broyer du noir. Un joueur professionnel collectionne dans un or. Sur cadavre vivant, peu importe le mort. Girouette politique cherche un nouveau parti pour mettre ses talents au service des petits. Chantageuse et magouille, spécialiste en cuisine, se mouillerait jusqu'au cou dans toutes les combines. Je voudrais pas parler de ça. J'aimerais chanter les fleurs, les petits oiseaux de toutes les couleurs. L'amour entre vos bras. Et je ne le peux pas, j'ai mal au fond du cœur. J'ai mal au fond du cœur. J'ai mal au fond du cœur. J'ai mal au fond du cœur. Oh la la musique, amb Raphaël Corbí. Les copains, je vais vous raconter l'histoire de Nana, le Rocky Canard. Le canard vit sa vie de bar en boîte de nuit. De gin fizz en whisky, Rocky cherche la canne de sa vie. Oh, salut jolie poupée. Ton bec me plaît, Rocky Canard, toi et moi ce soir. Wow, quel connard. Il se casse en prier. Jour à vue d'Arlène. Il s'enroule dans le torchon. Les flics arrivent soudain et leur crient. Hey you, this is Dance Reaction. Let's go to the disco by train. Have a nice time. Esteu escoltant Ulala Music. Doncs sí, amb aquesta última, la Heidi. La veritat és que també va donar voltes arreu del món i també a França, aquesta extraordinària sèrie del seu moment, òbviament. Només en tinc algun record de veure-la alguna vegada quan era petit. Alain Vachon serà el següent protagonista amb el nostre espai amb alguna de les cançons que es van publicar amb un triple, crec recordar, àlbum fa un grapadet d'anys enrere, que es deia el millor de Best Of, i en anglès Climax portava el nom. Algunes de les seves millors cançons, resumides amb el primer dels compactes, serà la que escoltarem avui, com per exemple el Gabi o Gabi, o la Nuit Gemeng, o alguna de les altres excel·lents peces, alguna d'elles en directe, amb una al costat de Jean Paul Goy o de Marc Ribot, que també escoltarem. Des algues et des coraux, et je fais mes pompes sur les restes d'un vieux cargo. Je dis bonjour, faut bien que je me mouille. C'est ma dernière surprise partie, je m'écrase le nez au hublot. J'ai mon contrat de confiance, l'encéphalo qu'il faut. J'ai du bol, j'en vois un qui rigole. Sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques.

les chevaux du plaisir. Osez, ose Joséphine. Osez, ose Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Usez mes souliers, usez mes huriers, soyez ma muse. Et que les durs, que les moments doux, durs que les moments doux. Et que ne doux. Osez, ose Joséphine. Osez, ose Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Osez, osez. Osez, osez. Osez, ose Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. J'ai crevé l'oreille, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend des jours fériés quand Gisèle claque dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la roquine carmélite. La mère m'a vu venir, Dieu avait mis un culte. Y'a dû y avoir des fuites. Oh, vertige de l'amour. Mes circuits sont niqués. Puis y'a un truc qui fait masse. Cours, on peut plus passer. Non, mais t'as vu ce qui passe. J'veux le feuilleton à la place. De l'amour. J'ai pu suer un saïdo. J'm'écris des cartes postales du front. Si ça continue, je vais me découper. Suivant les points qui est de l'amour. Désir fou que rien ne chasse. Cœur transi reste sourd au cri du marchand en place. Non mais t'as vu ce qui passe. Je le veuille d'en voir la place. Oh vertige de l'amour. On légionnaire à ton conscient. C'est bien d'être peint. Écoute, si ça continue, je vais me découper. Suivant les points qui est la vie. J'ai dû rêver trop fort. Ça me prend des jours fériés quand Gisèle claque dehors. J'ai crevé l'oreiller. Tu rêves trop fort. Esteu escoltant Olala Music amb Rafael Corbí. L'Alain ens ha acompanyat amb aquests minuts Hola la Music, amb aquest disc en recopilatori, aquest clímax en les seves millors cançons, i la Brigitte ens acompanyarà des del 2017, ja amb la recta final del nostre espai. Triem cançons també fantàstiques, com per exemple aquest Paris, que va editar aquest mateix any. Des nuages mange le ciel, avalé la tour Eiffel, Paris, je t'aime et tu m'aimes. Aquest duet que ens acompanyarà amb aquests darrers minuts del nostre espai, amb la seva música, la seva intensitat, les seves cançons, aquest toc tan agradable i aquestes veus dolces, diferents, que ens acompanyaran tota una sèrie de minuts des del 2017 i a través de Hola La Música, un duo de, podríem dir, folk, indie, format per la Sílvia Ho, de la Brunette, que li diuen, i la Blonde, la Rosa, és la Orelissada. Més o menys van debutar el 2011 i es va vendre molt bé tant als Estats Units com a França. Són unes d'aquelles revitalitzadores de la música dels anys 60. Bé, fins al final del nostre programa, o almenys una mica, no sé si fins al final, ens acompanyaran cançons del seu àlbum Brigitte del 2017. Silence où ma blessure se balance, grandir avec l'absence d'une imposture qui danse. Et pourtant dans mes gestes il y a ton écho, je te ressemble tant, je te ressemble trop. Dans mes silences où ma blessure se balance, dormir avec l'absence des impostures qui dansent. Et pourtant dans leurs gestes il y a ton écho. Il te ressemble tant, il te ressemble trop. Papa, mon intime étranger, mon oxymore, l'amour à l'imparfait. Lasse de feindre si bien la forcer le shabada. D'un cœur de glace, hélas, que je ne possède pas. Et jusqu'à quel âge vais-je manquer de tes bras? Aime-moi ou délivre-moi. Je te reconnais dans chacun de mes poisons. Et dis-moi, qu'est-ce que tu viens faire dans mes chansons? J'ai hérité de quelques lacunes en garçon. Je me fais mal le scorpion. Papa, mon intime étranger, tu es si loin, je me croyais sauvé. Les âmes Esteu escoltant Oh La La Music, el programa de música francesa presentat per Rafael Corbí. Quand tu pleures, t'as le spleen élégant, le blues enchanteur. Il devait être aveugle et sourd pour être allé faire un tour. C'est pas la peine de faire semblant, je sais qu'on n'est pas des géants. Viens, on pleure, on pissera moins. Comme toujours, ça passera. Ça va, ça vient, ça s'en va. Deux ans, on en rira, toi et moi. Viens, je t'emmène au Palladium. On boira du rock and roll sur des vieux talagones. Si c'est les mères à poire, le grand fiasco, le chaos. Je t'en ferai des calembours et des comptines pour l'histoire. Tomber de cœur et danser là si tu chiales. Je coule avec toi, viens, on danse, ça se verra moins. Comme toujours, ça passera. Ça va, ça vient, ça s'en va. Dans deux ans, on en. Toi et moi, viens, je t'emmène au Palladium. On boira du rock'n'roll sur des vieux Italagones. Flamme éternelle, pluie violette, un gros taxi jaune avant couvert. Des amours solitaire, l'oiseau noir, la ritournelle. Un hôtel bleu face à mon face à mer. S'il faut, je casse la gueule, j'y règle son compte. Il finira tout seul, ça ne sert. Irait peut-être à rien, et ça nous ferait peut-être du bien. C'est pas la peine d'être exemplaire, je sais qu'on sera pas les dernières. Bien, on chante, on l'aimera moins. Comme toujours, ça passera. Ça va, ça vient, ça s'en va. Ens ha acompanyat doncs, fins al final del nostre programa. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat tota Hola la música, la música en francès, cantada amb el nostre espai. Us deixem amb una darrera cançó d'aquest duo francès de música folk. Adolescente, j'ai invoqué les monstres, les génies et les sorciers pour avoir la chance de croiser. Même ton nom, rien qu'une seconde, toutes les nuits. J'ai rêvé du cuir de ton blouson et d'enfoncer mes ongles dans tes cheveux longs. Je rêve d'accidentelle, de moto, de motel. Ah, si j'étais la baby doll de mon idole, ça reste plus excitant. Que c'est fa bémol. Des guitares et des cabrioles. soir de descendre dans une drague et pistolet. Il me fait le coup de la lavette. J'ai passé l'âge de poster. Une bombe sans pas la faire. Interdité sans voix. Mais on ne vit qu'une fois. Je rêve d'accident. Se désacralise à coups de couleur et de légende. On veut pas la serre son ventre. Il est plus petit, moins beau, plus ennuyeux, mon héros. Que sur photo, sur vidéo ou sur magnéto, je n'ai